caresse il a formagé, vinoué si le rébrouvé, dit l'olon c'est un bel bébé, dit je son petit boule cristal, a caresse il a formagé, vinoué si le rébrouvé, libère dit qu'on fait caresse, dit qu'on dit des matchs finesse, attention c'est un marabout, dit qu'on dit des deux debout, libère dit qu'on fait caresse, dit qu'on dit des matchs finesse, attention c'est un marabout. L'identité de debout. Côté ça t'es plus belle bagaille, le lap marché dans la rue, tout le monde serait gâté. Scientifique à paille paillette, côté ça depuis belle bataille. Le lap marché dans la rue, tout le monde serait gâté. Scientifique à paille paillette. Loulou, ti chéri. Loulou, loulou, loulou, chéri à moi. Mais loulou, ti chéri. Loulou, loulou, loulou, chéri à moi. ferme.